quand on en arrive à se faire appeler, il est là, lui. Il est là. Parce qu'on a vraiment réussi sa vie. Bravo. Vous êtes trompé de studio, c'est pas possible. Mais non, non, il est non, là. Non, je ne suis pas grosse tête. J'ai pas confondu, vous inquiétez pas. Mais je vous annonce, et c'est un scoop, que Julien Courbet ne fait plus l'émission et que c'est moi qui reprends. On est en train. Je peux vous dire qu'on va enfin rigoler. Allez, on va démarrer. Allez, faites-nous une belle émission. Bonjour, ça c'est pas sûr, mais on va en faire une en tout cas. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Et oui, pour la première fois, notre ami Elie Semoun, qui va être un peu le parrain d'ailleurs d'une longue série, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Elie l'écoute de temps en temps chez lui. Mais c'est vrai, j'écoute, je t'envoie des textos. C'est vrai. Je peux m'en ça fait des années que je m'en inspire de vos clients, je dirais. J'ai quelques petits désiderata, j'ai des petits trucs à dire et c'est pour ça que je suis là. Il va mener l'émission comme il le souhaite tout et il a une manière de négocier, vous allez voir, bien à lui. Ah, voilà. D'ailleurs, accueillons tout de suite Alain. Alain, bonjour. Bonjour Julien. Ah ben, vous avez de la chance Alain, parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a les avocats, les négociateurs, mais Elie Semoun qui va négocier pour vous également, si vous voulez lui faire un petit coucou. Il a raccroché Alain, tiens. Non, je vais peut-être raccrocher, oui, si blague de trop. Non, je vais pas me moquer de vous, je sais que vous avez des problèmes d'électricité avec vos tournisseurs, et que vous avez un poteau électrique dans le... Enfin, non, qui ne l'a pas là, Dieu non, merci, pas encore. En fait, c'est ça votre problème, non Alain? C'est un problème de poteau, hein. C'est pas un problème de porto. D'accord. Ah bah tiens, vous êtes tombé sur plus fort que vous. Dès le matin. Ah ouais. Alors. Bah, je te propose ma première partie. Voici l'équipe qui va vous aider. Alors, il y a Maître Felloneau. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Et il y a Hervé Pouchol, le négociateur. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Et toutes les équipes qui sont là. Nous allons maintenant vous aider. Toutes les négociations auront lieu en direct avec Elie Semoun, qui est notre invité. Vous êtes sur RTL. Bonne semaine à tous. Nous démarrons tout de suite. Alors, voilà le message qu'Alain nous a laissé sur RTL ce week-end. Cela fait des années qu'un poteau électrique se couche et abîme ma maison. Il y a un an, on m'a envoyé un technicien. Et depuis, rien ne se passe. On attend quoi ? Une catastrophe ? Donc Alain, si on a bien compris, le poteau est en train de se pencher. Il va finir par tomber sur la maison. Eh bien, le jour où les pierres de l'intérieur de la crave finiront de tomber, parce qu'elles sont déjà tombées, le poteau tombera dans la rue. Tout d'accord. À fait. Bon, et quand vous les appelez, ils vous disent ça va venir. Et ça ne vient pas. On me donne toujours un délai de 30 jours depuis mars 2015. Bon, quelque chose à rajouter, ça m'a l'air très clair, Elie. Oui, ça me semble clair. Ben, il faut les appeler et puis il faut les insulter, tout simplement. Voilà, bien sûr. Je vais m'en occuper. C'est ce que nous faisons. Tout bien, tout honneur, évidemment, et avec tout le respect qu'on doit à EDF. Nous évitons de le faire, bien sûr, voilà. Mais après tout, vous êtes l'invité et vous êtes. Je fais ce que je veux. Ce que vous voulez. Le client est roi. Alors, voilà. Il va y avoir un super cadeau tout au long de la semaine. J'y reviens dans quelques instants. Mais là, Nathalie, avant que Elie nous parle d'un cadeau, il y en aura un par jour. Qu'est-ce qu'on peut dire? S'il arrive quelque chose, qui va être responsable du poteau? Pareil, c'est-à-dire qu'il faut pas peut-être en les insultant, mais rappeler à chacun ses droits et ses obligations, mais on peut finir par les insulter. Vu le nombre de lettres, ça fait 10 ans en fait que ça dure ce cinéma. Ni le maire ne s'en inquiète, alors que ça va tomber sur la rue, ça peut blesser quelqu'un, il sera pénalement responsable. Ni EDF, qui effectivement est responsable de ce poteau, qui en plus est en train de soulever la maison de ce monsieur. Donc c'est la totale, on va pouvoir être virulent. Alors l'objectif du dossier, c'est qu'EDF déplace le poteau et prenne en charge les réparations. Alain, nous allons les appeler dans une seconde. Mais auparavant, vous savez que ça démarre vendredi soir, je ne dis pas de bêtises, Hervé Leroux. Oui, vendredi soir. Vous avez vu comme je l'ai réveillé là tout d'un coup, le Hervé. Heureusement que les gens ne voient pas, parce que là, il y a des matelas, des oreillers. Non, mais c'est incroyable. On se fout de la gueule du monde, mais alors, dans les grandes largeurs. Ah non, c'est filmé. Allez, oui, c'est filmé. Ah, pardon. Nous sommes malins. Seules quelques caméras marchent, pas les principales. Voici l'incroyable cadeau qu'Elie a pour vous ce matin. Pardon. Alors, un incroyable. Une dotation CPVA, ça, il faut que je le lise ou pas? Ah non, pardon. Excusez-moi. À gagner tous les jours de cette semaine, une télé extraordinaire, un écran 65 pouces, c'est-à-dire 165 cm de diagonale, technologie 4K. Je ne sais pas non plus. Mais ça a l'air bien. Définition 4 fois supérieure au Full HD, le haut de gamme des télés Samsung avec écran incurvé, valeur près de 2000 balles. Ne se fout pas de la gueule du monde. Exactement. Ouais. Pour la gagner, 3210, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Puis après, écoutez, vous tapez directement 1, hein, comme ça vous donnerez la bonne réponse. Ou bien par SMS au RTL 74 900. Donc 3210, touche numéro 2, puis 1. Elie, nous allons appeler dans une seconde EDF et vous allez prendre la parole et expliquer qu'il faut déplacer le poteau. Avez-vous déjà une stratégie ou vous voulez vous laisser... Non, on va se laisser guider dans l'improvisation. D'accord.

une autre jeune fille. Je choisirai. Ouais. Je pars avec Élie, si c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça je dit? Je t'aime aussi. Si vous avez un contrat sur la commune de Annon, tapez 1. Sinon, tapez 2. Alors évidemment, les auditeurs se disent, mais c'est pas super radiophonique, mais c'est la vie. On veut montrer ça. Une réclamation dans le cadre de l'amélioration de notre service client. On va être enregistré. Cet appel est susceptible d'être enregistré. Alors ils annoncent combien? Souhaitez-vous y opposer? Merci d'en faire part à votre conseiller. Non, je n'oppose pas, Élie. Non. On assume complètement. Oui, on assume tout. Ils annoncent combien? On danse, Marie. C'est quoi, c'est Super Trump, ça, non? Non. Ça ressemble un peu, non? Un peu, à Jim, ouais, c'est un peu, ça commence un peu comme un Super Trump. Ta gueule. Alors, dans ces cas-là, ce que nous faisons, on attend 10 secondes. Peut durer, si on voulait, oui. Moi, c'est ça que je propose. Non. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas? Bonjour, merci d'avoir patienté. Que suis-je pour vous? Ah, bonjour, mademoiselle. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL et je suis aux côtés de Élie Semoun. Elle va moins le croire encore. Si. Ah bon. Madame, je vous appelle car. Non, voilà, attends. Ma première critique. Attends. Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, d'accord. Alors, okay. Allez-y. Vous allez dire que je le répète encore. Non, l'histoire. Voilà, mais à chaque fois, tu répètes pendant des heures et la dame va te dire je vous passe le service correspondant. Alors, madame. Et donc, tu vas être obligé de répéter. Mais il faut bien qu'elle sache de mais quoi non, je parle. Mais non, demande-lui. Bon, c'est pas vrai, ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui demande-lui. Demander demande-lui. Bonjour, madame, vous êtes toujours là? Oui, je vous écoute. Ah, d'accord, oui, elle nous écoute, elle se demande. Je me demande si c'est pas mieux quand je répète plutôt que lui faire. Vous voulez bien lui dire quelque chose? Demande-lui un. Bonjour, madame. Mais ça fait trois fois qu'on oui, bah non, mais attends, mais je sais pas trop de quoi on parle. En fait, on parle d'un. Il y a un monsieur qui s'appelle Alain. Voilà, qui c'est a un ce que problème je fais à chaque fois, je répète mais l'histoire. Non, mais... Merci, Élie. Mais est-ce que je pourrais avoir le service correspondant au poteau qui tombe mais sur non, une maison? Mais non, il n'y en a pas. Madame, écoutez-moi, il y a un. Et pardon, hein, on est à la radio, c'est pour ça, et on est de bonne humeur. Et on voulait vous en faire. Vous faire partager cette bonne humeur. Il y a un monsieur qui a un poteau devant chez lui qui n'arrête pas de s'affaisser, de se pencher, c'est il va finir par dire, tomber. Julien. Et vous arrêtez pas de lui dire. Je vais venir et vous ne venez pas. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez me donner le numéro client de cette bien sûr. Alors, pour que je puisse consulter le dossier. Avec plaisir, vous êtes très gentille, madame. 5 005 102 593. 593. Et vous devriez tomber sur Alain. Alors, j'ai bien un dossier au nom de Alain Bulle ou Bullet, excusez-moi pour la prononciation. C'est Bulle ou Bullet, Alain? Bulle. Voilà, Bulle. Ah, il est là? Oui, il est là, là. Oui. Ah, d'accord, il écoute. Alors, et vous devez avoir quelques réclamations. Madame. Je regarde le dossier, je vous demande juste un instant le temps de prendre connaissance. Bon, on vous laisse quelques instants, le temps de regarder, je vous retrouve dans une seconde, d'accord? Vous récupérez. Et vous faites attention que M. Bulbul soit toujours avec nous également. Oh, bah quoi, monsieur Alain? Non. Respectez vos auditeurs. Mais je les respecte, je les adore depuis 15 ans. Là, il chatouille un peu, Julien, ce matin. Ah, il chatouille. Là, s'il vous plaît. Et il fait pas que ça, je peux vous le dire. Ah, je m'en doute. Vous êtes marié, Alain? Oui. Bon, elle est là aujourd'hui, madame? Non, je l'ai laissé partir faire ses courses. Ah, d'accord. Il est prudent. Je rappelle qu'il y a, monsieur Bulle, hein, pendant qu'Hervé est en train de négocier, un téléviseur, c'est un cadeau exceptionnel, un écran 65 pouces, 165 cm de diagonale, avec écran incurvé. Pour le gagner, vous faites 32-10, touche numéro 2, puis touche numéro 1, c'est à l'occasion, bien sûr, du démarrage de l'euro. Ou bien RTL au 74-900. Bon, on va attaquer un deuxième cas dans une seconde. Voilà, Élie, ce que va nous dire Pascal. Les techniciens de mon opérateur qui sont venus pour réparer ma box ont surtout fait tomber un haut-parleur chez moi. Et depuis, il est HS. Et l'opérateur a du mal à assumer ses responsabilités. Voilà un cas classique. Ils viennent, ils réparent, ils font tomber du matos. C'est pas la voix de Monsieur Bull, ça? Ah non. Non, mais j'ai l'impression qu'on est en train de se faire arnaquer. Nous aussi. Ça serait drôle. Je crois que c'est ça même. De faire une émission, ouais, c'est toujours le même. Avec un seul mec. Oui, c'est Monsieur Bulle. Voilà, j'ai fait tomber de l'eau sur mon ordinateur. Vous vouliez dire, Nathalie? Moi, ce que je voudrais dire, c'est peut-être vous donner matière justement pour râler. C'est parce que ça dure depuis les années 2000. Une fois, un technicien est venu et les autres fois, à chaque réclamation, par lettre commandée avec accusé de réception, la réponse est la même. Elle est, nous interviendrons, nous revenons vers vous dans 30 jours au plus tard. C'est la seule chose que EDF a faite en presque 15 ans. Hervé, vous le dites à la dame, ça, hein? Oui, vous êtes en train de négocier avec elle. Elle est en train de contacter le service technique là actuellement et je pense que ça va avancer ce matin. Vous avez vu Ellie, d'ailleurs. Hein. Quand on écoute l'émission, on a l'impression d'avoir Hervé Pouchol au ciné décontracté comme ça, chemise ouverte. Oui, tranquille. On dirait. Hein, au bar de la Voile Rouge à Saint-Tropez. Exactement. Là. Ça va toi? Ouais. Oui, tu peux me réparer le problème de poteau électrique là? C'est pour Monsieur Bulle. Ok. Allez, on va se retrouver dans une seconde avec l'alerte dès que Hervé aura quelqu'un au bout du fil ou bien avec le cas numéro 2, 3210. Sur RTL, voici Coldplay. Sur RTL. D'ailleurs, Ellie voulait traduire rapidement la chanson. Oui. Qu'est-ce qu'ils expliquent dans cette chanson ? En français, c'est en français, le ça peut se traduire par Il y avait un vrai message derrière. Bah oui, Hervé Pouchol, est-ce qu'il y a du nouveau du côté d'EDF ? Non, j'ai toujours la musique de Supertramp améliorée, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Alors, on rappelle qu'Alain a un poteau qui va peut-être tomber sur sa maison. Il attend désespérément qu'on lui réponde. Ah, on a quelqu'un ? Oui ou pas ? Est-ce qu'on peut le basculer ? C'est votre ami Marie qui lui a parlé. Il a cru que c'était... Ah, d'accord. Qui fait allô ? Oui, c'est moi, Marie. Je sais. Vous l'avez remarqué, un petit côté quand même amateur qui fait aussi le piment de cette émission. Hein. Amateur, c'est déjà beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je dirais moins que ça. Hein. Ouais, pour moi, vous êtes des guignols. Hein, mais enfin, bon. Un deuxième cas démarre dans quelques instants. Je vous l'ai dit, il vient de réparer sa ligne. Il lui casse une enceinte et il ne lui rembourse pas. Tout de suite sur RTL. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, pour tout achat de pneus, Peugeot vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000. Ça match. Conditions sur sport2000.fr. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française. Mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Salut les Français! Vous rêvez de grands espaces, de paysages à couper le souffle? Direction le Canada! Que vous habitiez Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon ou Mulhouse, profitez des vols directs proposés par Air Transat à partir de 399 € TTC aller-retour. À vous les baleines, les villes festives, la douceur de vivre 100% canadienne. Offre soumise à conditions, réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se retrouver? Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. On vient de nous livrer en plateau pour que l'on voit la grandeur, l'écran de télévision qui a gagné. Élie, ah ouais, c'est juste c'est énorme. Ah c'est, ouais. C'est gigantesque. Il est incroyable. Ah, on me dit qu'on a le maire pour Monsieur Bull qui est en ligne. Allô, Monsieur Pio. C'est Madame Pio, ah, Madame Pio. Oui, bon, bah, c'est pareil. Madame Pio. Allô. Oui. Oui, bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Rien de grave. On essaie de joindre votre mari, monsieur Pio. Est-il dans les parages? Non, il est sur la ferme parce que. Ah, parce que il y a une boulette. Alors ça c'est Elie Semoun qui est à mes côtés. Non. Oui, bonjour madame. Chez Alain Bull que vous connaissez à Anou, il y a un poteau électrique qui est en train de pencher et qui risque de tomber. Il n'arrête pas de prévenir EDF qui ne EDF ne fait rien. Alors, on s'est dit, on va peut-être essayer de voir si monsieur le maire peut nous aider. Oui. Il est physiquement, il est costaud, il pourrait un poteau, il pourrait le tirer, le pousser peut-être éventuellement. Mais il pourrait nous aider surtout à appeler EDF. Là, je comprends pas trop votre histoire. Alors, je vous explique. Attends, il y a un monsieur qui s'appelle Alain Bull. Oui. Vous voyez de qui il s'agit? Oui. Voilà, monsieur Bull, il a devant chez lui un poteau. Et le poteau arrête pas de pencher, il va pas tenter à tomber. Il arrête pas de prévenir EDF qui lui dit on va venir, mais ils ne viennent pas. Et il y a quand même une responsabilité parce que ce poteau risque de tomber vraiment. Et pourquoi qu'il a pas contacté directement monsieur le maire? Ah ben on peut lui demander. Oui. Bonjour madame, c'est monsieur Semoun à l'appareil. Élie Semoun. Voilà, je suis de la société Semoun et bon bref, on s'en fout. Oui, en fait, c'est pour ça on essaye de joindre votre mari. Ben mon mari, il est sur la ferme en ce moment, il est en train de travailler. Oui, mais ça monsieur c'est ce qu'il Bull, vous a dit, mais il habite dans le village, il connaît très bien. Alors, mon mari. On va lui demander, monsieur Bull, pourquoi vous n'avez pas contacté le maire? Alors à l'époque, on a contacté son prédécesseur, Jacques Pio, qui sont venus avec un employé d'EDF et le premier adjoint. Et la réponse a été claire et nette, le poteau sera encore debout quand vous ne serez plus là. En clair, il s'est moqué, il s'est foutu de vous, d'accord. Alors donc, quand je suis pas comme Jésus-Christ, quand j'en prends une sur la joue droite, je ne tends pas la gauche. Ah, c'est bien ça, monsieur Bull. Hein, c'est ce qu'on peut après, les proverbes de monsieur Bull. D'ailleurs, vous devriez penser à sortir un bouquin là-dessus, parce que ça fait plusieurs fois que vous nous en sortez. Madame, est-ce que vous pourriez joindre par texto votre époux, s'il vous plaît, dans la ferme. Oui, sans problème. Comme ça, il nous rappelle, on essaie de régler ça avec lui. Le problème vient d'EDF, mais il aura plus de poids que nous, vous voyez? C'est-à-dire que M. Bull passerait pendant les permanences de la mairie ou passerait directement chez nous, puisqu'on se connaît relativement bien. Il pourrait voir directement avec mon mari ce qu'il peut faire, au lieu de passer par la radio. Nous, ça nous permet de vivre également, vous voyez. Je ne suis pas passé que par la radio, je suis passé par EDF également. Il est passé par EDF aussi. Moi, si M. Bull vient voir mon mari ce matin sur la ferme, ça ensemble, je vois pas où est le problème. Hein. Essayez sur Europe 1, vous y arrivez peut-être mieux. Bon, vous voulez bien le contacter, qu'on essaie de lui parler. Monsieur Pio s'en fiche, non? Il lui a dit que... Pas du tout, non, elle est pas au courant. C'est quand il y a un problème comme ça, les gens viennent le voir à la mairie ou au domicile. Madame, il arrange les choses comme il peut. Hein. Madame, est-ce que vous auriez la gentillesse de le prévenir qu'on puisse lui parler, s'il vous plaît? Eh ben oui, je vais vous donner son portable, si vous voulez. Ah, c'est très gentil, madame, parce que c'est un maire super disponible. On note ça, vous le prenez, Marie? Oui, maître Fellonneau. Oui, madame, ce que je voulais vous expliquer, c'est que le... madame? Oui. Oui, maître Fellonneau, je suis l'avocate de l'émission. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, la situation s'aggrave de jour en jour. Et ce poteau, il risque de tomber sur la chaussée. Si jamais ça blesse quelqu'un, vous savez que les maires sont pénalement responsables lorsqu'ils sont informés. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est que le monsieur le maire vienne à nos côtés pour intervenir avec virulence auprès de EDF qui laisse traîner cette situation depuis plus de 15 ans. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que si monsieur Bull a vu ça avec l'ancien maire, donc pourquoi qu'il n'est pas venu voir le nouveau maire? Ça, madame, j'ai bien compris que ça vous ennuie qu'il ne soit pas venu voir votre nouveau maire. Effectivement, il a commis une énorme bêtise, Alain Bull, en ne venant pas voir votre mari. Mais maintenant, je vous demande, je vous implore, à genoux, pouvez-vous nous donner juste le portable, comme ça on l'appelle et on règle le problème? Je vais vous donner, c'est ce que j'allais faire. C'est très gentil, madame. Voilà. Merci et pardon de vous avoir dérangé une nouvelle fois. Allez-y, Marie. Marie, prenez-le. Hervé Pouchol, de votre côté, où en est-on avec EDF? Écoutez, 16 minutes d'attente, toujours la musique. Là. En revanche, j'ai une information importante. Vous savez que EDF, c'est le réseau distribution. C'est ERDF qui s'occupe des poteaux. Ah. Donc, j'essaye de joindre quelqu'un à ERDF. D'accord. Également, qui vont pouvoir... Normalement, ils devraient pouvoir nous aider. Vous êtes super fort. Même si vous êtes un peu bourré ce matin, Hervé, vous êtes quand même super fort. Il va bien nous aider. On va se retrouver dans une seconde avec Elise Moon pour attaquer le cas numéro 2. Je viens d'avoir 40 ans. À partir de maintenant, je fais ce que je veux. Je me suis même fait percer. Où ça? Ah non, je te le dis pas. Et je fais du kickboxing. Non, parce que l'aquagym... Ah ouais. La Ford Fiesta aussi a 40 ans. Et elle se lâche. Jusqu'au 30 juin, la Ford Fiesta édition 5 portes EcoBoost 100 chevaux, avec air conditionné, audio sync, Bluetooth et navigation, est à 149 € par mois. Venez l'essayer en concession et tentez de la gagner. LOA avec premier loyer de 1990 €, puis 47 loyers de 149 € par mois. Coût total si achat 14 494 €. Réservé aux particuliers si acceptation par Ford Crédit. Offre et règlement sur Ford.fr. Et là, je dis à mes potes que je suis passé chez Direct Energy pour l'électricité et le gaz et que j'économise 10%. Ah, c'est sympa. Et là, ils me disent qu'ils l'ont déjà tous fait avant. Mais toi, tu... Bah, moi aussi. Ça fait 3 ans. Ah, 3 ans? Ok. Ouais. Avec Direct Energy, en 5 minutes et dès aujourd'hui, vous pouvez payer votre électricité et votre gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergy.com. Service et appel gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Douleurs articulaires ou musculaires, mal de dos, mal de genoux. Vite, le roller pur essentiel articulation et muscles est le geste antidouleur qui agit par massage express grâce à sa bille massante. Son efficacité apaisante naturelle, rapide et durable est garantie. Ah. Pur essentiel roller articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturelles en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on profite de Citroën C3 avec climatisation et 7 ans d'assistance offerts. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C3 Vitamine est à partir de seulement 9 990 €. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Merci d'être avec nous dans le 9h30-11h. Nous allons tenter de régler vos cas avec Elise Moon qui est mon invité ce matin. Nous attaquons le cas de Pascal. Juste après, les infos. Ça m'étonnerait. Me moquer des gens peut-être. Non, vous savez régler les cas. Et derrière, je sais, le moqueur, il y a un homme au grand cœur qui a envie. Exactement. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Merci d'être avec nous sur RTL, il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le Premier ministre Manuel Valls vient de présider une réunion sur les conséquences des inondations. Il était entouré de tous les ministres concernés et il a annoncé un fonds d'extrême urgence pour les sinistrés. Sans attendre, le gouvernement a décidé, au titre de la solidarité nationale, de mobiliser un fonds d'extrême urgence à doter de plusieurs millions d'euros pour les personnes sans ressources qui ont tout perdu dans cette catastrophe. Il s'agira de pouvoir parer aux dépenses de première nécessité dans ce moment difficile et dans l'attente de la prise en charge par les assurances. Ce fonds sera géré par les préfets de département en lien notamment avec les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale pour répondre encore une fois à des besoins criants, les gens qui ont tout perdu et qui ne peuvent pas revenir dans leur maison ou dans leur logement et qui ont besoin de ce soutien, donc plusieurs millions d'euros pour mobiliser encore une fois ces fonds d'extrême urgence. Le Premier ministre Manuel Valls au micro RTL de Thomas Proutot, le coût des intempéries pourrait dépasser le milliard d'euros. Pour simplifier et accélérer l'indemnisation des sinistrés, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, va recevoir aujourd'hui les assureurs. Ce matin sur RTL, elle a précisé qu'elle allait leur demander la mise en place immédiate d'une indemnisation forfaitaire sans expertise pour que cela aille vite. Ça fait une semaine que les cours d'eau débordent. La vigilance orange est maintenue ce matin dans 14 départements en Normandie, en Île-de-France et dans le centre. Après cette réunion qu'il vient de présider, le Premier ministre va se rendre dans la matinée à Montargis, dans le Loiret, l'une des villes les plus touchées. En Normandie, où la Seine est placée sous haute surveillance, la crue est en cours de stabilisation. Les quais de Rouen et d'Elbeuf ont été une nouvelle fois submergés ce matin à cause de la marée. L'eau s'est ensuite retirée. À Paris, la crue de la Seine s'est confirmée, mais la ligne C du RER est toujours à l'arrêt dans Paris intramuros. Autre difficulté de circulation dans les transports en Île-de-France ce matin, à cause de la grève qui continue. La position des grévistes est de moins en moins compréhensible, déclare Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Face aux inondations, elle déplore un manque de solidarité tout à fait condamnable et irresponsable. La grève à la SNCF touche toutes les régions de France. Franck Hanson du bureau RTL de Lille nous signale par exemple que dans les Hauts-de-France, 2 TER sur 3 circulent et 80% de TGV. La grève continue et l'Euro de foot commence vendredi. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière, explique ce matin qu'il pourra y avoir quelques actions ici ou là pendant la compétition, mais il assure « Personne n'a dit on va bloquer l'euro, on n'est pas stupide », ajoute le leader syndical. Jean-Claude Mailly conclut « On veut maintenir la pression parce que l'on a un gouvernement irresponsable ». Dans l'actualité ce matin, il y a aussi l'évacuation d'au moins 1300 migrants qui s'entassaient sous des tentes dans les jardins d'Éole au nord de Paris. Ils sont montés dans des bus qui doivent les emmener dans des centres d'hébergement dans toute l'Île-de-France. Une relique de Jean-Paul II a été volée en Allemagne, un morceau d'étoffe taché du sang de l'ancien pape et qui se trouvait dans la cathédrale de Cologne. Sa valeur matérielle est faible, mais sa valeur spirituelle bien supérieure, disent les autorités religieuses allemandes qui demandent aux voleurs de réfléchir et de rendre la relique. La Bourse de Paris est ouverte en baisse ce matin de 0,33%, mais désormais la tendance est à la légère hausse et le CAC 40 est à 4431 points. La météo du jour, beaucoup de grisailles sur la moitié nord ce matin, mais le soleil doit arriver cet après-midi et puis il y aura ensuite une tendance orageuse qui va se développer. Sur la moitié sud, c'est du beau temps, mais là aussi, au sud de la Garonne, il y aura une tendance orageuse en fin de journée. Les températures, elles grimpent, on attend 20 degrés à Cherbourg, jusqu'à 28 à Tarbes, 22 prévus à Brest, 24 à Lille, à Paris, à Nevers, à Perpignan, 26 à Strasbourg, à Lyon et Bordeaux, 27 à Marseille. Les courses ont lieu à Auteuil. Les pronostics de Jérôme Bernardet pour le Quintet, il vous conseille de jouer le 4, l'As, le 3, le 6, le 9, le 7, le 14 et le 8. Et la dernière minute de Jérôme, c'est le 7, Ulysse des Pictons. Il est 10h04 et vous êtes sur RTL avec bien sûr Julien Courbet. Merci beaucoup. D'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. Ce matin, je vous le rappelle, nous aidons Alain qui se bat depuis des années avec son fournisseur d'électricité. Plus ça va et plus un poteau électrique se couche de plus en plus. Comme il est tout près de la maison d'Alain, la façade de son logement se fend et des pierres tombent dans sa cave. Hervé Pouchol, vous continuez de négocier avec EDF, bien que les poteaux, ce soit ERDF. Voilà, c'est ça. Bah, ça fait 24 minutes que j'attends. Et donc 24 c'est un peu minutes. Compliqué. On essaye de joindre EDF en parallèle parce que c'est très très complexe. On va surtout relancer peut-être un deuxième appel à EDF parce que là il y a une jeune fille qui nous a mis en attente, mais ça fait quand même 24 minutes maintenant que nous attendons. À mes côtés, il y a pas cru, en fait. Elise Moon qui est avec nous. Que... Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre à 10h. Et il y a le maire de cette commune qui, lui, peut nous aider évidemment à avancer dans ce dossier. Monsieur le maire, soyez le bienvenu. Oui, bonjour. Bonjour, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Je suis vraiment navré de vous déranger. Je sais que vous êtes en train de travailler. Juste pour cette histoire de poteau de Monsieur Bull, comment pouvez-vous nous aider à faire en sorte qu'il vienne intervenir? Écoute, je suis un petit peu... Enfin, c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire. Donc, Monsieur Bull m'en a jamais parlé. Peut-être qu'il avait parlé, en avait parlé à l'ancien maire, mais moi, il m'en a jamais parlé. Donc, j'ai pas eu... Je suis un peu surpris. Enfin, j'ai pas spécialement eu l'info. Surtout que Monsieur Bull passe souvent devant la mairie ou garde même son bus à côté de moi. Donc, on a toujours l'occasion de se parler de ça. Bon, après, c'est vrai que ces poteaux-là sont pas du sort de la commune, puisqu'ils appartiennent à EDF, voire au syndicat d'électrification. Ouais. Hein, puisque c'est eux qui sont propriétaires des lignes électriques et propriétaires des installations. Hein. C'est pas la commune. Donc, c'est vrai que moi, au niveau de la commune, nous, on voit juste quand on fait de l'enfouissement, éventuellement, on voit avec eux. Bon. Voilà. Vous nous dites que vous pouvez rien faire, il faut qu'on voit avec EDF, c'est ça? Ça appartient pas à la commune. Ok, d'accord. Voir éventuellement avec le syndicat d'électrification qui au niveau départemental gère toute l'électricité parce que EDF en fait compte fait juste le transport d'électricité c'est EDF qui gère les poteaux. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le maire. Si vous ne pouvez rien pour moi, je vais appeler EDF directement, d'accord? Entendu. Bonne journée, merci. Bisous. Bon, voilà, monsieur, j'ai bien aimé parce qu'il était très sympa au début. Il avait démarré un petit tutoiement. Il t'a tutoyé en plus. Et ben moi j'apprécie ça. Oui, on pouvait c'est un maire sympa. Se tutoyer, appeler un député. Excuse-moi vieux, je t'appelle parce qu'on a un gros problème. Et bien je trouve ça fantastique. Bon, RERDF, Hervé Pouchol. En même temps, c'est normal, c'est un problème de poteau, donc c'est normal qu'il t'ait tutoyé. J'essaye d'amener ce petit plus. Eh bien, nous l'avons. Ça y est. Deuxième cas, celui de Jacques. Oui, dites-moi. On est en train de tester un nouveau numéro pour contacter ERDF. Alors, dès que vous l'avez, musique d'attente. Vous me faites une petite alerte. On ne fait rien tant qu'on n'a pas quelqu'un à l'antenne chez ERDF, d'accord? Ça marche. Dans une seconde, le cas de Pascal que nous allons régler sérieusement. Le voici. Les techniciens de mon opérateur qui sont venus pour réparer ma box ont surtout fait tomber un haut-parleur chez moi et depuis il est HS et l'opérateur a du mal à assumer ses responsabilités. Nous allons nous occuper de ce cas dans une seconde. Le jeu est toujours en cours. Hein. 32-10, touche numéro 2, puis touche numéro 1, et vous gagnez. Il est là, il le voit, Élie. Un écran de 165 cm de diagonale. Quand il doit falloir accrocher ça au mur, Élie, croyez-moi, prenez un professionnel. Alors, tous ceux qui habitent dans une chambre de bonne, tout ça, n'appelez pas. Hein. Ah, ben là, je pense que tout vient. C'est vraiment les gens riches qui peuvent appeler, parce que, bah oui, mais il faut de la place pour ces trucs-là. Il est incroyable. Ah non, mais ça prend toute la place, c'est dingue. C'est fou, c'est un Samsung, la marque préférée des comiques. Nous allons nous retrouver dans une seconde sur RTL. Ah, ok. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innover autrement. Électro, dépôt. Se faire plaisir avec un barbecue de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez Electro-Dépôt, le barbecue électrique iOne garanti 2 ans, échange à neuf, est à 15,98€. Oui, 15,98€. Electro-Dépôt, habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation de 16 centimes. Electro-Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménager de France. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux, et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main là? Ben non, rien. Insistez. Prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio, en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno. Son système multimédia AirLink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 € sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation. Voir Renault.fr. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Ah. Et oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. Énergisons vos performances chaque jour. Total. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Pascal est en ligne avec nous. Pascal, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Ali. Bonjour. Bonjour Pascal, vous nous appelez d'où ? De Tourcoing. D'accord. Pascal, 19 janvier dernier, des techniciens envoyés par votre opérateur téléphonique viennent réparer votre box. Mais lors de l'intervention, ils ont fait tomber le haut-parleur que votre femme vous avait offert pour Noël. Voilà, voilà. Donc vous l'avez vu tomber, vous étiez là ? C'est très grave. Alors, ce qui s'est passé. Alors moi non, je suis revenu de mon travail et puis mon épouse m'a informé du problème qu'il venait d'avoir. Quoi. Puis voilà. Oui, non, mais c'est gravissime. Non, mais il a eu raison d'appeler RTL parce que c'est un scandale. C'est surtout, est-ce qu'ils sont d'accord sur le fait ? Ils ne nient pas. Alors, de toute façon, c'est pas qu'il nie pas. Je viens de calculer ici 74 mails d'envoyés à Bouygues, avec des réponses complètement à côté de la plaque, des appels téléphoniques qui à chaque fois me renvoient sur une autre personne. Mais ils ont cassé la box en fait. En intervenant, j'aurais préféré qu'ils cassaient leur box. Non, ils ont cassé une enceinte. Cassé une enceinte, d'accord. D'accord. Alors, vouloir réparer la box. Et l'enceinte, elle coûte cher. C'est précieux. Alors c'était un kit qui valait au total 209 €. D'accord. 209 €, ils ne veulent pas la rembourser, mais surtout, est-ce que votre épouse était là ? Oui, elle était là. Donc elle a bien pu constater avec eux. Donc elle est témoin de ce qu'on peut appeler le crime. Alors, quand ils ont fait tomber le matériel, mon épouse, comme elle était dans la cuisine, mais comme on voit la télévision, puis la box qui est sur le côté, elle est intervenue en disant, faites attention, c'est comme du nouveau matériel que j'ai payé à mon époux, il va pas être content s'il est abîmé. Et c'est vrai qu'elle est repartie, elle attendait que la réparation était faite. Et puis, moi, quand je suis arrivé, c'était une catastrophe, quoi. La réparation, c'était des bouts de fil électrique qui étaient tombés dans la box, les fils complètement encore dénudés, attenant à la fiche coaxiale. Pascal, pour faire vite, pour qu'on puisse les appeler, 74 mails, quelle réponse avez-vous eu ? Écoutez, les réponses à mon mail, c'est que le service concerné est au courant à chaque fois. Et à chaque fois, on devait m'appeler, mais jamais de message. C'est moi qui appelais à chaque fois l'opérateur pour avoir des nouvelles concernant mon dossier. Maître Félonneau. Oui, Pascal. Excusez-moi, Pascal, parce qu'il faut vraiment qu'on appelle à un moment donné. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Jusqu'à jeudi, où j'ai eu un appel de Bouygues en me disant qu'il était hors de question qu'il rembourse quoi que ce soit. Ah ben voilà, c'est clair. Voilà, vous avez la réponse. Au revoir, merci. Mais le pire, c'est que le lendemain que j'ai eu une personne de chez vous, je recevais un mail comme quoi mon dossier était toujours d'actualité, qu'ils avaient eu tous les documents. Allez, on va les appeler. Maître Félonneau, rapidement. Bon, écoutez, il y a un article du Code civil, l'article 1382, qui dit quand on commet à l'origine d'un accident, une faute, on doit la réparer. Alors, il y a une déclaration sur l'honneur qui a été faite, et attention, selon les règles de la procédure civile, le témoignage avec, je suis informé que je risque un an d'emprisonnement, etc., tout ça a été envoyé. Donc je pense qu'effectivement, cette fois-ci, le service doit soit faire intervenir et confronter notre ami avec les techniciens pour essayer de voir ce qui se passe. Mais je pense qu'ils font tout simplement la sourde oreille, qu'ils sont de mauvaise foi et qu'il faut revenir à la charge. On va les appeler dans une seconde, ok Pascal ? Oui. Vous pouvez vous faire un petit café, le temps que je fasse une petite pause et c'est parti. Merci.

Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Pascal, nous appelons maintenant votre opérateur pour essayer de leur faire admettre qu'il y a eu de la casse chez vous et qu'il faut maintenant rembourser cette enceinte 74 mails. Et bonjour, c'est reparti pour un répondeur. Il faudra faire un sketch sur les répondeurs. Pour écouter les mentions légales, tapez étoile. Sinon, merci de bien vouloir patienter. Il n'y a plus que ça maintenant. Si votre demande concerne la box, tapez 1. Pour une demande... Moi, quand les gens attendent avant mon spectacle, je leur mets ça. Hein. Pour votre numéro de mobile, si vous êtes client Bouygues Télécom, est terminé par dièse. Donc là, on rentre, je suppose, le numéro. Ah, une alerte pendant ce temps-là. Donc on va déconnecter du cas de la box de Pascal quelques instants, car on pourrait revenir sur le poteau avec vous, Hervé Pouchol. Oui, je vais vous passer la personne que nous avions en ligne tout à l'heure, la conseillère à la client dame, EDF, oui, qui a une nouvelle à nous annoncer, je vous la passe. Bon, rebonjour madame. Rebonjour. Ah bah, je pensais pas qu'on allait vous reparler ce matin. Oui, c'est dingue. 40 minutes. 40 petites minutes, mais tant mieux si vous avez été efficace. Donc j'ai pris le temps avec le service mais vous avez bien fait. Trouver une solution. Donc on m'a passé plusieurs personnes donc pour prendre en charge le problème. Et je vous remercie d'avoir patienté. Je vous en prie. J'ai donc rendez-vous cet après-midi avec quelqu'un pour trouver une solution directement sur le technique, sur le terrain. Et je rappellerai donc monsieur Bulle dans la foulée pour pouvoir lui apporter les conclusions et Exactement ce qu'on voulait. Donc cet après-midi, Alain, le RDF vous rappelle et essaie de trouver une solution avec vous. Est-ce que ça vous va, Alain? Oui, on peut mieux. Ah, Alain, il faudra aussi appeler. Par contre, va appeler Bouygues parce qu'il y a un problème de réseau. Bon, Alain, est-ce que on ne vous a pas bien entendu? Vous êtes content? Oui, ben écoute, pas maintenant. Hein, Alain, est content? Non, mais j'ai remarqué qu'avec Fils, ça marche pas trop bien. Je voudrais essayer avec Moon, peut-être. Ah, il parle de son opérateur. Ah oui, d'accord. Ouais. Alain, vous me tenez au courant. Hein, Sarah vous appelle et vous me dites si le problème a été résolu. Merci, madame de DF et RDF. Je vous en prie avec plaisir. Je compte sur vous pour arranger ça, comme ça il n'y aura pas d'histoire. Merci. Ben voilà, vous voyez, il nous porte chance. Ouais, c'est sympa, on a réglé ce problème qui a démarré à 9h30. On en a un deuxième en suspens. C'est appelé merci Hervé, bravo. Bah écoutez, vous avez mérité, allez prendre un peu l'air et revenez parce que là, il s'est battu au téléphone. Hein. Pascal, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous a dit ceci. Les techniciens de mon opérateur qui sont venus pour réparer ma box ont surtout fait tomber un haut-parleur chez moi et depuis, il est HS et l'opérateur a du mal à assumer ses responsabilités. Marie, nous étions avec l'opérateur en ligne. Vous avez fait le barrage des premiers, appuyé sur telle touche, où en est-on ? Alors j'ai fait chou blanc parce que Pascal a quitté Bouygues Télécom depuis quelques temps. J'allais donc dire pour faire une vanne, mais en fait. Ah bah alors là. Il faut absolument un numéro Bouygues Télécom pour pouvoir appeler Bouygues Télécom. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez un problème avec. C'est pareil pour tous les opérateurs. Avec un opérateur, vous signalez le problème et comme vous n'êtes pas content, vous changez d'opérateur, on ne peut plus. Comme il n'est pas content, il a quitté Bouygues. Voilà. D'accord. Et maintenant, on ne peut plus les joindre parce qu'on n'a pas de numéro à donner. On va essayer un autre numéro de téléphone, on a aussi celui du siège. On en a un magique, allez, on y va pour celui du siège. Et regardez ça, Elie, si c'est pas beau. C'est incroyable cette histoire. Il y a des gens qui appellent pendant l'émission. Et là, au 32-10, tout à l'heure, Mireille a appelé. 38 ans, a voulu faire changer. 88 ans. Elle a voulu faire changer le barillet. C'est pas pareil. Si. Oui, mais c'est peut-être justement parce qu'elle a 88 ans qu'elle s'est fait avoir. Elle a voulu changer le barillet de sa serrure. Elle a trouvé sur Internet des coordonnées d'un serrurier qui est venu. Combien pour changer le barillet, mesdames et messieurs? Dites un prix. 5300 euros. 5300 euros. C'est une honte. Oui, mais il est très original ce dossier parce qu'elle habite à Lyon et que les types sont à Paris, qu'ils n'ont pas dit qu'ils étaient à Paris, qu'ils sont venus quand même. Le déplacement. Voilà l'arnaque. Elle n'est pas belle, cette arnaque. Vous vous rendez compte, cette dame sur Internet, elle ne se rend pas compte qu'ils sont à Paris. Ils appellent, ils disent OK, on revient. Et donc, comment ils justifient ça? Ben oui, le déplacement. C'est incroyable. Oh, quelle histoire de fou. On s'en occupe dans une seconde sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. S'il vous plaît, nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss ? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse ? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française.

américain Long is the Road de Jean-Jacques Goldman à l'instant sur l'antenne d'RTL. Avant d'attaquer le cas de Mireille, qui est quand même un truc invraisemblable, nous revenons sur l'histoire de Pascal. Des techniciens, nous dit-il, de chez Bouygues, viennent réparer la box, et en réparant la box, le geste malheureux qui peut arriver. Et on fait tomber une enceinte et puis voilà. Ça coûte 209 euros. Et on lui dit, monsieur, on ne peut rien faire pour vous. Il nous dit 74 mails. 74 mails, je crois que c'est un record ça. Et puis en plus, vexé, il a quitté Bouygues. Ah non, bon, pardon. D'accord, il a quitté Bouygues, donc non, on peut pas les jouer. Il a deux doigts, justement, j'allais le dire, de quitter sa femme aussi. Non, il l'aime. C'est la catastrophe, il s'engueule, il se balance des trucs à travers... Non, c'est grave. Et c'est pour ça que nous allons être obligés d'appeler le siège, Marie. On appelle le siège, Julien. Parce que quand on appelle l'opérateur, ils nous disent qu'il faut un numéro, mais lui, du coup, il est parti. Ah. Bouygues, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, j'espère que je ne vous dérange pas. Je cherche un responsable parce que on a un auditeur qui a eu un petit souci avec des techniciens qui, sans vouloir, ont cassé une enceinte chez lui, mais je ne peux pas passer par le service normal puisque ce monsieur n'est plus chez Bouygues. Ça s'est passé du temps où il y était, mais comme il n'y est plus, à chaque fois on me demande un numéro. Et comme il n'en a pas, on passe par vous. Je ne sais pas si c'est assez clair. Une seconde parce que c'est un standard nominatif. Et voilà. Ah. Alors, je vais vous faire présenter juste une seconde. D'accord. Vous avez entendu derrière Pascal ? Et voilà, il a dit. Bah, c'est clair. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va rien lâcher. Dès qu'il y a la petite alerte, Pascal, c'est que nous avons un interlocuteur. Marie, vous le récupérez. Nous passons au gros cas qui est arrivé parce que je crois qu'on n'aura pas assez de 29 minutes pour tenter de le régler, celui-là. Est-ce que Mireille est en ligne ? Oui. Mireille, vous m'entendez ? Ah, elle a raccroché la Mireille. On la rappelle tout de suite. Ah oui, on la rappelle tout de suite, la pauvre. 5300 euros pour un barillet. Fantastique. Il faut en quand plus, même... là, j'ai lu un truc, ils lui ont fait... Allez là, Mireille, vous allez m'expliquer. Oui. Allô, bonjour Mireille. Oui, bonjour tout le monde. Ça va, Mireille? Oui, moyen. Non, mais on n'arrive pas à y croire, à votre histoire. Vous ne vous êtes pas rendu compte, quand vous avez eu besoin d'un serrurier, que vous tombiez sur un serrurier de Paris? Non, en fait, c'est pas à moi que c'est arrivé, c'est à maman. D'accord, ah. Qui a 88 ans, qui est malade parce qu'elle sort d'une grave maladie, donc fatiguée. Sa porte d'entrée, elle vient de rentrer dans un nouveau logement, sa porte d'entrée grippe un peu. Et puis, voulant pas encore solliciter ses enfants, elle fait ni une ni deux, elle cherche sur Internet un serrurier. Oui, j'ai compris ça. Et elle a tapé sur Internet et elle est tombée, mais elle n'a pas eu conscience qu'elle appelait un serrurier de Paris. Visiblement, ça devait pas être noté. D'accord. Mais la chose qui est assez étonnante, c'est que quand elle a donné son adresse, elle pensait, elle, avoir un serrurier qui était à deux rues de chez elle. Elle donne l'adresse et la personne ne savait pas écrire l'adresse. Ça la met un petit peu en éveil. Moi, Mireille, j'ai une question à vous poser. Ils ont mis combien de temps pour venir? Ils sont arrivés entre midi et deux rapidement. Ils sont venus de Paris ou ils étaient à Lyon? J'ai pas compris l'histoire. Alors, j'ai l'impression qu'elle a dû tomber en fait sur une plateforme parisienne. La facture est au nom d'une société parisienne, mais qui doit avoir des antennes dans toute la France. D'accord. Et ils sont venus une heure après. Donc, ils n'ont pas pu venir de Paris en une heure. Alors, ils ont roulé super vite. Ouais. Alors, en revanche, ça doit être sur le montant quand même absolument incroyable. Au départ, elle voulait un changement d'un barillet. Et un barillet, ça coûte pas 5300 euros. Quoi qu'il arrive, on va les appeler pour demander une explication. Il y a eu une alerte, Marie, pendant ce temps-là. Une alerte sur quoi? Il y a quelqu'un de chez Bouygues Télécom qui nous a répondu. Alors, Mireille, vous restez deux secondes de côté. Je vais appeler le vendeur de barillets, mais là j'ai Bouygues en ligne. Bouygues, vous m'entendez? Allô? Madame, monsieur de chez Bouygues? Oui, bonjour. Ah, bonjour madame. Alors, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL. Elise Moon est mon invité, il est à côté de moi. Je suis moi-même chez Bouygues, donc je suis tout oui. C'est un de vos clients, j'ai pu le constater, j'ai vu son portable. Ouais. Pascal était un de vos clients, vous êtes venu réparer sa box, et en réparant sa box, apparemment, le technicien a fait tomber l'enceinte qui est accrochée au mur que lui avait offert sa femme. Elle est cassée, et il l'a envoyé près de 70 mails, d'après ce qu'il nous dit, pour vous dire, remboursez-la moi, puisque vous l'avez cassée. On n'a pas de lui dire, écoutez, on va voir. Et comme la situation n'avance plus, bien nous vous appelons maintenant, ce matin. Et nous sommes obligés de passer par le siège, puisque comme il n'est plus chez Bouygues, on n'a pas de numéro à rentrer, vous savez, quand on appelle un numéro normal. Oui. Voilà. Très bien, monsieur Corbet. Par contre, je peux vous communiquer un numéro pour les services clients. On vous avez pas besoin de vous identifier. Ah, ça serait super. Ok, alors on va le noter. Vous le notez, Marie. J'adore votre accent, madame. Oui. Je ne sais pas d'où il est, mais il est fantastique. Bien, cet accent. C'est un petit accent d'où? Je suis slovaque. Ah, voilà, les slovaques. Un gros bisou, madame. Merci beaucoup. On note le numéro.

Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et maintenant, c'est le gros morceau de l'émission, mesdames et messieurs, puisque Mireille, 88 ans, appelle pour changement de barillet. Elle tombe sur une plateforme à Paris. On vient lui changer le barillet. 5 300 euros. Alors, comment Marc, les justifier les tarifs, hein, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'on est, on est peut-être mauvaise langue. Ben, c'est les peut-être tarifs. Peut-être que c'est 5 300 euros pour changer une serrure, non oui. Vous gagnez trop de pognon, mon vieux, parce que c'est vraiment trop cher. Nous appelons tout de suite. Vraiment... Est-ce qu'on a juste Mireille, avant d'appeler, une justification, est-ce qu'ils lui ont fait une facture? Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la facture? Effectivement, hein. Alors c'est marqué un jeu, alors elle est quasi illisible cette facture tellement que c'est mal écrit. Donc vous avez une première ligne effectuée, j'arrive pas à lire, 2900, alors ça c'est pris hors taxe, après mise à niveau de la porte 360, déréglage pour 290, je pense que c'est l'heure de manœuvre à 180 euros et un je ne sais trop quoi à 560 euros. Et ils lui ont fait payer ça sur deux fois une carte bancaire, c'est-à-dire deux comptes différents, plus un chèque de 400 euros. Ah ouais. C'est n'importe quoi. C'est un une café, honte. Un café, 550 euros. Une poignée de main. Une poignée de main. Un bonjour madame. Allez, à 5 200. On en rit parce que c'est l'esprit de l'émission, mais évidemment qu'on va se battre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris ce cas et on ne va pas lâcher. Bonjour. On est lundi jusqu'à vendredi, s'il faut. Allô? Oui, bonjour. Assistance Habitat? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Julien Courbet. Monsieur, je vous appelle car vous êtes intervenu chez une dame pour un changement de barillet et apparemment, ça lui a été, une dame de 88 ans, ça lui a été facturé 5 300 euros. Et sa fille qui est là, ça s'est passé lundi 30 mai, aimerait savoir comment on peut changer un barillet 5 300 euros. 5 300 euros pour changer un barillet ? Oui. Il faut que je prenne la fiche d'intervention, M. Combé. Eh bien, on va vous donner les numéros si vous voulez. Qu'est-ce qui est, Mireille ? Qu'est-ce qui est marqué sur la fiche d'intervention ? Quel numéro avez-vous ? Alors, date et heure, j'ai un devis 191. Alors ça s'est passé, monsieur, c'est à Lyon, hein. C'est vous qu'elle a appelé, parce qu'elle était sur Internet, cette dame de 88 ans. Je me remets sur la fiche d'intervention. Allez-y. Alors allez-y, vous avez pu noter le numéro du coup ? Je sais pas. Ok. Alors je crois qu'il y a plusieurs personnes, je pense qu'il y a un haut-parleur, mais on va essayer de comprendre quand même. Allô ? Oui. Non, vous inquiétez pas, on est tous ensemble. D'accord. Il y a plusieurs personnes, on est à la radio, je suppose. Oui, oui, oui, tout à fait, monsieur, comme je vous l'ai dit. Bonjour à ma famille ou pas ? Ah, allez-y, je vous en prie, passez un petit bonjour. Bonjour à Sabrina, Ruti, Anna. Oui, mais c'est payant les messages, monsieur. Hein. C'est pas pour le prix, non. Parce que là, on a des tarifs, là. Ce bonjour vous sera facturé 4 200 euros. C'est 4 000. C'est bon, si vous voulez faire un devis, il n'y a pas de problème. Allez, dites-moi, monsieur. Je vous envoie le devis. Hein. Mireille, vous avez donné. Redonnez-moi le devis. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Alors. Le devis, est-ce que vous avez retrouvé l'intervention, monsieur ? D'accord, madame Rivet, 36 rue oui. Valentine, c'est bien ça ? À Lyon. Oui. Voilà. D'accord, donc qu'est-ce qui a été fait là-bas ? Monsieur, est-ce que vous pouvez prendre le téléphone ? Je crois que vous êtes sur un haut-parleur, ça ne me dérange pas, mais du coup, j'entends pas ce que vous me dites, c'est un peu embêtant. Vous m'entendez mieux là ? Ah là, super. Alors, dites-moi. D'accord, donc ce qui a été fait là-bas, il y a un changement de serrure 3 points. Donc c'est une serrure carénée, donc avec un devis qui a été fait au préalable. Oui. Non. Comment non, madame ? Ça, c'est sa fille qui parle. J'ai le devis signé devant moi. Ah ben oui, mais tout a été signé en même temps. Le devis et la facturation. Et la facture. Et le comment se fait-il non, que ces est... gens ils se soient fait passer pour le petit-fils de ma mère auprès d'un autre serrurier ? Non, c'est ça que je voudrais madame, savoir, moi. C'est pas ça, madame. Pas chez nous. Ben ça, monsieur, ni vous ni moi, on y était. Alors, elle nous donne une version. Vous, le problème, c'est que... Ah, écoutez... C'est Patrick qui est intervenu, c'est quelqu'un de très sérieux, alors... Non. Ils ont appelé un serrurier qui est à deux rues de chez elle en disant « Je suis le petit-fils, on s'en occupe ». Et ils sont arrivés entre midi et deux pour changer uniquement ce barillet. Mais qu'est-ce qu'elle avait, la porte, au départ ? Elle était juste un peu grippée. Elle avait un peu du mal à ouvrir sa serrure. Donc monsieur, voilà, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Pourquoi avoir tout changé ? Pourquoi avoir tout changé ? Parce qu'on a estimé nécessaire, on a jugé nécessaire de remplacer le matériel, monsieur. D'accord. Oui, effectivement, mais vous rendez compte si que c'est... D'accord, si on peut réparer, à partir du moment où on peut réparer la porte, on la répare. Si on doit remplacer c'est, le matériel... C'est vos tarifs en général, monsieur ? Oui, on a des tarifs qui sont déposés. Maître Semoun, hein, je suis l'avocat de l'émission. Non mais c'est... C'est l'État. Oui, c'est moi, oui, bonjour. Vous êtes devenu avocat ? Non, bah oui, j'ai changé de métier. Vous le doutez comique. Bien que. Voilà. Comique, vous êtes pas avocat, monsieur. Voilà. Non, mais bon, c'est Julien qui m'a invité à l'émission et c'est vrai qu'il m'a dit que. C'est un collègue de Dieudonné, c'est ça ? Voilà, exactement, tout à fait. Alors, très bien. La cannelle. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Bref. Vous, 5300 euros, c'est justifié ? 5300 euros. Alors, ne quittez pas, je ressens le rapport d'intervention, le devis et la facture. D'accord. Je croyais que c'était déjà fait, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Donc, on marque une pause. Alors, une zéro-carénée 3 points. D'accord, on a une zéro-carénée 3 points. En fichier 785 avec 4 clés plus carte de propriété. Est-ce que vous avez la référence, monsieur, de la serrure 3 points que vous avez changée ? Une serrure fortissime ADP 3 étoiles. C'est une quoi, une ? Serrure, fichier fortissime ADP 3 étoiles. D'accord. Bon. Écoutez, monsieur, aujourd'hui, maître Fellono, paraît quand même... Monsieur, ce qui se passe, c'est que nous, on a souvent l'habitude que les interventions chez les gens âgés finissent par un changement total de service. Ah oui, mais monsieur, c'est toujours la même histoire, mais c'est quand même la vérité, et la famille le sait. Monsieur, juste, maître Fellono, monsieur, pourquoi vous faites marquer sur les contrats « Je sous-signais n'être ni sous tutelle, ni sous curatelle ». Pourquoi vous obligez les gens à mettre ça ? C'est important. Parce qu'on peut pas prendre de décision si la personne est sous curatelle, ne peut pas signer un devis. Mais quelqu'un qui est sous tutelle ou sous curatelle, vous pouvez lui faire marquer n'importe quoi. Justement, vous pouvez. Non, pas du tout. Ah bah si, le principe de la tutelle ou de la curatelle, c'est des gens qui n'ont pas forcément leur tête. Si donc on a un mail de la tutelle ou un accord de principe de la curatelle de la tutelle. Non mais monsieur, écoutez-moi, vous venez chez moi. Admettons que je suis sous tutelle parce que je dis n'importe quoi. Vous changez de sujet, monsieur Courbet. Non, vous l'avez marqué sur votre bon. C'est pour ça que je vous pose la question. D'accord. Mais là, en l'occurrence, cette dame-là, elle est pas sous tutelle. On est d'accord. Mais pourquoi vous demandez aux gens, si vous êtes des gens honnêtes, de le marquer ? On le demande, c'est normal. Mais la personne, mais ça sert à rien, puisque si la personne est sous tutelle parce qu'elle a pas sa tête, elle va vous dire n'importe quoi. Les gens qui sont sous tutelle, ils ont conscience qu'ils sont sous tutelle. Ils nous disent je suis sous tutelle, d'accord. C'est pas moi. Donc on met quelqu'un sous tutelle parce qu'il a plus sa tête, mais au moment où on lui demande est-ce que t'es sous tutelle, vous reprenez votre tête. Il a pas à disposition ses règlements. D'accord. Il peut pas payer, donc, alors monsieur, nous on est là pour essayer de voir si on peut trouver un arrangement. Sinon, de toute façon, Mireille, je crois que vous n'aurez pas le choix et ça ne coûte rien parce que vous plafonnerez ça à 4000 euros, ces tribunaux de proximité. Est-ce qu'elle le fera à Lyon ou est-ce qu'elle le fera à Paris, rue de Saussure ? À Lyon, c'est le lieu de l'intervention. D'accord. Et effectivement, Lyon, et moi je déposerai plainte pour abus de faiblesse, je pense. Pas de problème, madame. Le but c'est de trouver un terrain d'entente maintenant. Je crois. Monsieur, parce que 5300 euros pour un barillet, moi je veux bien, mais. Monsieur Courbet, on a pas mal de boulot ce matin, donc je vais pas faire mon temps. Bon, alors vous lui parlez hors antenne et vous lui faites une proposition. Allez-y, Mireille. Parce que 5300 euros et faire débiter sur deux comptes de bancaires différents. Ah oui, ça pourquoi, monsieur ? Demander un chèque. On va lui demander à ce monsieur. Monsieur, pourquoi le paiement en trois fois sur deux comptes différents ? Alors, il y a un règlement en carte bleue qui a été fait de 4913 euros et 400 euros en chèque. On est d'accord, madame Rivet ? Il y en a eu deux de règlements. Voilà, c'est ce que j'ai sur la facture. Mais pourquoi vous n'avez pas fait tout sur le même ? Juste, monsieur Courbet, j'ai juste une facture sur les yeux d'une serrure fichée. Ok, normalement, je n'ai pas voulu dire. Oui. Ma facture de fournisseur, elle a 2800 euros TTC pour la serrure fortifiée. D'accord, monsieur. Ok, maintenant, j'applique un coefficient, ce qui est normal. Non, mais monsieur, d'accord, ma question n'est pas là. Monsieur, pourquoi vous faites payer une partie en carte bleue, une partie en chèque ? C'est ça ma question. Une partie en carte bleue, une partie en chèque. Oui, pourquoi elle ne paye pas tout avec le même compte, la même carte bleue ? Parce que je pense qu'il y a des plafonds, elle ne peut pas tout payer. Donc elle nous a soldé avec le chèque. Non, c'est pas ce qui a été dit. Bon, ok. Bon, allez, on vous laisse. Le but, c'est pas de chercher la petite bête, le but, c'est de trouver un arrangement et un exactement. Vous récupérez monsieur, madame, on va couper les deux. Parce que là, c'est la fin de l'émission. Pardon ? Et ce serait quoi l'arrangement ? Il va lui faire une proposition, je pense, parce que le problème, c'est que c'est pas sur le prix de la. Effectivement, il me dit la serrure vaut 2000, je donne un coefficient, mais est-ce qu'elle avait besoin qu'on lui change tout ? C'est ça le problème, c'est que la pauvre, elle était juste grippée. Si ça se trouve, en mettant un petit coup de bombe, ça aurait marché. Et là, on lui a tout changé. Donc Hervé va voir s'il n'y a pas un accord avec Assistance Habitat. Moi, ça me paraît quand même un peu gros, 5300 euros. On se retrouve dans une seconde. Mes plaquettes de frein sont usées et j'avais pas vraiment prévu ça. Avec Oscaro.com, achetez vos plaquettes de frein sur Internet. Vous avez accès à plus de 500 000 pièces automobiles neuves, identiques constructeurs, jusqu'à deux fois moins cher. Et ce sont des pièces d'origine. Oscaro.com commercialise exclusivement des pièces d'origine neuves en provenance des plus grands équipementiers. Ah, je me lance. Et actuellement, en commandant sur Oscaro, vous bénéficiez de 10 euros de remise sur showroomprivé.com. Une offre 100% gagnante. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. en direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Capture dans une compilation d'offres exceptionnelle. Et la French Touch vous sort le grand jeu, à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. Du 3 au 12 juin, c'est la semaine de la coopération agricole. Portes ouvertes, visites d'entreprises, dégustations. Consultez le programme sur lacoopérationagricole.coop. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, bah, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, les pneus Kléber et Uniroyal sont à 49,95€ seulement. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes toujours en train de discuter avec Monsieur Hadjadj d'Assistance Habitat pour qu'un accord soit trouvé. Hervé, vous me faites signe de la main que vous négociez pour l'instant. Oui, on avance. Il y a une proposition qui est faite, mais dans 3 minutes, je reviens vers vous. Sur le cas numéro 1, je vous rappelle que pour le poteau, ERDF, normalement, appelle cet après-midi pour trouver une solution pour que le poteau soit redressé pour Alain qui se bat, puisqu'il dit qu'il va finir par me tomber sur la façade. En ce qui concerne l'opérateur téléphonique, où en est-on, Marie ? Hervé a discuté avec eux, je les ai récupérés. Ensuite, ils envoient un mail à Sarah dès cet après-midi. Normalement, ils font remonter l'information au plus vite. 70 mails envoyés par notre auditeur pour dire « Vous m'avez cassé une enceinte quand vous êtes venu chez moi ». Donc ça, on aura du nouveau demain ou après-demain, Sarah. Donc le premier résolu, le deuxième en cours demain. Pour le troisième, on attend la négo. Et là, maintenant, vous allez faire un heureux ou une heureuse. Car, mon cher Elie Semoun, vous qui, je le rappelle, serez au Casino de Paris pour 4 dates exceptionnel que vous allez me redonner, car comme vous pouvez le constater, je suis en galère. Il essaye de broder. J'ai perdu ma fiche. Moi-même, je sais pas. Alors, le 13 et 14 novembre, voilà, je crois, exactement. Au Casino de Paris. Et le 8 et 7 décembre. Le 14 et 15 novembre et le 8. Non, 13 et 14 novembre et 7 et 8 décembre. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, vous allez appeler quelqu'un et voilà. Vous allez lui annoncer peut-être l'une des plus belles nouvelles de sa vie, puisqu'il gagne cet écran. D'accord. À côté de nous. On va appeler au hasard ou pas ? Ah, ben, quelqu'un qui a quand même téléphoner un petit peu avant pour jouer. Bah, peut-être Monsieur Hadjadj. Non. Okay. Monsieur Hadjadj, vous venez de gagner une télé et d'arnaquer. Allez, c'est parti. La personne ne sait pas. Hein. D'accord. Donc, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Elle ne sait pas qu'elle est connaissante. Elle a quand même joué. Allô ? Oui, bonjour madame. C'est Monsieur Semoun à l'appareil. Je vous appelle concernant la télé. Oui, bonjour Monsieur Semoun. Voilà. Ah, bah tiens. Bon bah voilà, donc vous le savez, hein, vous appelle pour vous dire que vous avez gagné une télé. D'accord. Et pas n'importe laquelle. Et pas n'importe laquelle, une télé incurvée. 1m65 la télé. Oh là là, il faut en pousser les meubles. Combien mesurez-vous vous-même ? Oh non, je fais un peu plus, je fais un 70. Est-ce que vous êtes incurvé vous-même ? Je m'incurve. Dans quel sens ? Alors moi, je m'incurve à certains horaires. Ah, très bien. Écoutez, c'est un cadeau magnifique. Merci Samsung, d'une valeur de 2 000 €. Que faites-vous dans la vie ? Mon Dieu, ben je suis la bonne. Bon, vous êtes marié ? Oui. Il aime le foot ? Oh là là, mon Dieu, que oui. Eh bien voilà, on va lui livrer. Est-ce qu'il l'aura avant vendredi, sa télé ? Vous l'aurez avant le démarrage de l'Euro. Oh, super. super, je vais pouvoir regarder mes séries de mon côté. Laissez-lui le téléviseur pourri pour le foot et prenez le beau pour les séries. Bon, mais merci beaucoup, Séverine, de nous être fidèle. Franchement, c'est très très gentil. En plus, j'ai presque plus de voix. Vous voyez, je vais vous garder la fin de ma voix pour vous. Là, franchement, c'est super. Je suis vraiment très contente. Ah, vous savez rendre les femmes heureuses, Céline. C'est quand même juste un appel et hop, elle est folle de joie. Avec rien, simplement la voix. Non, juste une télé. Un petit téléviseur à 2000 euros. Mais c'est un détail. Il y en aura un autre demain à gagner. 65 cm, ça ne peut que rendre une femme heureuse. Oh, elle fait elle-même les vannes. Ah, c'est pas mal. Elle est extraordinaire, celle-là. Extraordinaire. Ceci étant dit, si vous en trouvez un qui en a une de 165 cm, appelez-nous, on fera des foires. Oui, parce que je pense que là. À bientôt, Séverine. Demain, une deuxième télé à gagner. Merci. Peut-être qu'on vous rappellera que vous en gagnerez une deuxième. Ah, je n'entends plus personne. D'accord, allô, c'est pas grave. Ah, ça y est, je vous entends. Gros bisous, Séverine. Gros bisous, merci beaucoup. Voilà, une télé de 165 cm vient d'être gagnée. Oh, demain, une nouvelle Samsung. Elle est juste incroyable à gagner. Alors, alerte de nouveau. Vous voyez, Elise, jusqu'à la dernière minute, il peut se passer des choses. Oui. Ouais, non, écoutez, la négociation est très difficile parce que monsieur fait un geste de 1000 euros et il faut minimum 50% sur cette facture. Moi, je pense que ça me paraît être. Et là, il préfère aller en justice. Bon. C'est son choix. Ouais. Là, il a le droit. Donc, vous, je m'adresse à l'auditrice, vous préférez aller en justice. Nos amis de demandejustice.com s'occuperont de tout ou vous êtes d'accord pour tout. D'accord. C'est pas possible de toute façon qu'il recommence avec des personnes âgées, ces gens. C'est pas possible. D'accord. Moi, ce que je ne digère pas, c'est qu'ils ont été rappelés à un autre serrurier pour dire qu'ils étaient les petits-fils et qu'ils s'en occupaient. C'est là-dessus que je ne passerai pas. Pour moi, ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. Il est en ligne, monsieur ? Oui, il est en ligne. Un geste commercial pour vous être agréable de 1300 euros. Madame Rivet a refusé, donc on facture la totalité, une facture globale à 4000 euros. Moi, j'ai 2800 euros, j'ai des frais, j'ai des charges sociales. Il faut comprendre ce que ça engendre, les frais d'une société. Donc, j'ai des frais de communication. Aujourd'hui, je peux fermer à 4 000 euros la facture. Si elle ne veut pas, on passe par le biais des tribunaux. C'est pas un souci. Il n'y a pas de souci. Donc, ce que l'on va faire, c'est que Sarah va vous appeler Mireille pour vous mettre entre les mains donc, du service qui va s'occuper de ça. Et puis, comme ça, on pourra donner... Voilà, je vous transfère à mon avocat. Et voilà. Donc, j'étais juste en train de... J'ai bien compris, monsieur. Donc, Mireille, Sarah va s'occuper de ça. Et voilà. Et on aura d'ici... Il faudra attendre, je pense, la rentrée du nouveau. Ça prend quelques mois, mais pas énormément, entre Madame Rivet et Monsieur Adjadj de Assistance Habitat. Très bien, on fait comme ça. Mireille, merci Monsieur Adjadj, bonne journée. Allez, bonne journée, au revoir. Voilà, merci, maintenant, prévenez tous vos parents quand ils sont âgés, prévenez-les, je vous en supplie. Leur dites, n'appelez pas, appelle-moi d'abord, n'appelle pas n'importe quoi, n'importe qui, voilà ce que ça peut faire. Bernard, chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges, avec l'offre 1 euro de plus. C'est quoi, l'offre 1 euro de plus? Bah, tu achètes quelque chose, et pour 1 euro de plus, tu as une brouette. Ou un pot de peinture, une perceuse, un escabeau, enfin... Oh Agnès, une nouvelle pareille, ça mérite un petit bisou. Allez, tiens. C'est tout? Oh, bah je m'appelle pas Gédimat non plus. Ouais, bah je sais, hein. Gédimat, matériaux et bricolage. Voir liste des magasins participants, conditions et règlements sur gédimat.fr. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Capture, le crossover ultra personnalisable et sa compile d'équipements. Airlink avec écran tactile, caméra de recul. Renault Capture est à partir de 169 euros par mois, sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Capture Life Energy de TCE 90, LLD 49 mois, 40 000 km maximum, sous réserve d'acceptation par Diac et Sar. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire, réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Leclerc. Juliette, toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale, avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, la France! Merci Elise Moon d'avoir été merci avec toi, nous. Merci à toi Julien, et merci à vous tous. Vous êtes une super équipe, ce vraiment beau sympa. Téléviseur, on ira ça vous donne envie casino. De se faire arnaquer. Oh, ben vous êtes très gentil, merci vrai, beaucoup. La prochaine fois, vraiment j'appelle. Merci Maître Felonneau. Merci à vous. Bravo Hervé, bravo merci. À toutes les équipes d'Al Azhar. Mon Stéphane qui revient de Marrakech où il a croisé Elie d'ailleurs, bien je suppose. Bien sûr, mais il squatte l'antenne d'RTL. Ah mais oui Stéphane, salut Stéphane. Oui bonjour Elie. J'espère qu'il n'y a pas Régis Maillot encore. Ah pas Moon. Oh merde, t'es encore là toi. C'est pas possible. Ce matin, ça va, je vais vous réconcilier tous. On va parler football avec Vicente Lizarazu et Christophe Paco qui sont nos invités de la bonne heure. Pour l'Euro vendredi. Bonne émission, Stéphane. Merci, Julien. Bonne journée à vous. Allez, Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 11h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Rebonjour Marie. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Bousculade et jet 2. Le ministre de l'économie Emmanuel Macron a été pris à partie ce matin lors d'une visite à Montreuil près de Paris. Un comité d'accueil composé de plusieurs dizaines d'opposants à la loi travail l'attendait. Des militants de la CGT et du Parti communiste qui lui criaient « casse-toi ». Le ministre qui devait dévoiler un timbre célébrant le 80e anniversaire du Front populaire dénonce la violence et l'agressivité. La direction de la SNCF et les syndicats de cheminots ont entamé ce matin leur ultime séance de discussion sur l'organisation du temps de travail. Des négociations sur fond de grève, c'est le sixième jour de perturbation. Et cette grève coûte 15 à 20 millions d'euros par jour à l'entreprise, dit la SNCF. L'État veut que le conflit prenne fin avant le coup d'envoi de l'Euro de foot vendredi prochain. En attendant, les usagers doivent s'armer de patience avec seulement un tiers des intercités en circulation aujourd'hui. La moitié des transiliens en Ile-de-France en moyenne. 60% des TGV et des TER roulent aujourd'hui, mais avec de grandes disparités d'une région à l'autre. L'État va mettre en place un fonds d'extrême urgence de plusieurs millions d'euros pour les sinistrés des inondations. Ceux qui sont sans ressources et qui ont tout perdu, précise le Premier ministre Manuel Valls. Ce fonds sera géré par les préfets dans les départements concernés en lien avec les centres communaux d'action sociale. Du côté des assurances, la ministre en charge de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, va demander aux assureurs de mettre en place une indemnisation forfaitaire, sans expertise, pour aller le plus vite possible. Pour les commerces de proximité qui ont subi des dégâts, il va y avoir une cellule de continuité économique qui décidera de mesures d'aide exceptionnelles pour permettre le redémarrage de l'activité le plus vite possible. Les agriculteurs et les élus de Seine-et-Marne qui ont été particulièrement touchés par ces inondations seront reçus aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. 14 départements sont toujours placés en vigilance orange, crue, inondation dans le centre-Val de Loire, le bassin parisien et en Normandie. Après la matinée très brumeuse sur la moitié nord, le soleil devrait tenter quelques apparitions cet après-midi. Mais en fin de journée, il y a un risque d'orage localement fort. Dans la moitié sud du pays, c'est plutôt bien ensoleillé. Mais aussi en fin de journée, une tendance orageuse devrait se développer en Aquitaine. Les températures aujourd'hui, elles sont en hausse, hein, de 20 degrés à Cherbourg jusqu'à 18 à Toulouse. On attend 24 à Paris. La question du jour d'RTL Midi concerne l'Euro de foot. Avez-vous confiance dans le dispositif de sécurité ? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et vous pourrez en discuter bien sûr au 3210 dans RTL Midi avec Christelle Rebière et Vincent Parizeau. Le beau parcours de Richard Gasquet à Roland-Garros lui permet de retrouver le top 10 du tennis mondial. Il gagne 2 places et est désormais 10e. Il devient aussi le numéro 1 français. Joe Wilfried Tsonga qui avait dû déclarer forfait est sorti du top 10. Il pointe désormais au 12e rang mondial. Le vainqueur de Roland-Garros, Novak Djokovic, est l'incontestable numéro 1. Et puis à 22 ans, l'Autrichien Dominic Thiem fait un bond de 8 places pour intégrer le top 10. Il est au 7e rang, c'est son meilleur classement après avoir atteint les demi-finales de Roland-Garros. Les courses cet après-midi à Auteuil, les pronostics de Jérôme Bernardet pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 4, l'As, le 3, le 6, le 9, le 7, le 14 et le 8. Et la dernière minute de Jérôme, c'est le 7, Ulysse des Pictons. Il est 11h04 et vous êtes sur RTL à la Bonne Heure Commence, bien sûr, avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie. Et nous retrouvons naturellement Marie Guerrier à midi pour faire un point sur l'actualité. Mais nous sommes maintenant dans à la Bonne Heure. Et oui, on va parler de l'Euro 2016 avec deux experts qui sont avec nous. Vicente Lizarazu et Christophe Paco d'RTL. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci à tous les deux. Alors, je vais vous présenter de façon un peu plus élégante, mais d'abord, mes petits camarades, qui est une révélation de taille dans cette émission grâce à notre voyant du lundi, Tanguy Pastureau. Tanguy, vous pouvez nous dire qui va remporter l'euro ? La France, Stéphane. Et qui sera président de la République ? François Hollande, puisqu'évidemment, tous les